Thank you.

Let's go. Deserve to des saletés de champignons empoisonnés. Il a été pris d'un tel fou rire que ses intestins ont éclaté. Il est mort en quelques minutes. De quoi tu te plains? Je comprends pas. Il a eu une belle mort. Tu te fous de moi en plus. Mon frère est mort de rire par ta faute. Tu vas le payer cher. Ah. Okay, y'all.